Jeudi 9 octobre 2003, Glasgow. J'ai rêvé que j'étais avec une fille qui s'appelle Sarah. Elle ouvre mon cahier, une partie d'un des cahiers de rêves et de collages. Elle ne pouvait pas le croire. Elle était émerveillée. Tout était rouge, les feuilles étaient trouées, comme dans une géographie à plusieurs pages. En rouge foncé, mais il y avait aussi des rouges clairs. Dans les couleurs foncées, il y a tout de même une image. Elle trouvait ça incroyable. Elle tourne les pages, puis elle trouve d'autres images qui se poursuivent, les unes après les autres, comme des corps. C'était mon cahier de rêve.